arrivé comme ça en mode ouais, on va faire une émission. Puis vous avez monté les boutons les uns après les autres. La formation là, c'est la formation scénique. Okay. Parce que à la base, on est des rappeurs. Okay. Hein. On connaît le monde, on sait ce que c'est un micro, on ouais. a déjà posé dans les micros, tu vois, on a déjà entendu mixage, notre voix, on a déjà entendu notre voix dans les casques, machin, tu vois. Donc ça déjà, ça a fait sauter yes. les verrous. Mais si, on a déjà. Après, tu vois, on a déjà aussi posé dans des radios, tout ça. Ouais. Donc on sait comment ça se passe. Okay. Mais par contre, on n'a jamais été derrière. Quand tu passes de l'autre côté. On n'a jamais été derrière, tu vois. Donc, ouais, donc ça, vous êtes arrivé un peu. Ok. Vous êtes arrivé en mode débrouillard, quoi. Ouais, en mode okay. main dans les poches, quoi. Ouais. En mode, vas-y, c'est bon. On ouais, va faire parti. Notre émission aussi, quoi. Tu okay. vois. Par contre, même si moi j'avais quand même ma petite formation de son. Ouais, aussi, ouais. Moi je connaissais pas. Ouais, mais par contre, niveau radio, c'était. T'as une formation d'ingé son ouais, quand même. Ouais, moi j'ai fait un truc à l'UMC à Paris. Ok, voilà. Ah non. Il faut le dire quand même. Ah, ben bon, je suis un gars beaucoup discret quand même. Je raconte okay. beaucoup de conneries, mais je suis beaucoup discret okay. dans mon yes. truc, tu vois. Et puis, bah, non, mais franchement, après, j'avoue que les premières émissions, on était vraiment un peu. C'était vraiment un peu la merde. Est-ce que vous vous souvenez de votre première émission? Oui, moi je la toute première. Ça va être très bien. Je sais qu'on s'est regardé, je dis, putain, fait quoi. Mais il va peut-être pas l'avouer, mais moi j'ai vu qu'en fait lui et moi on stressait. Moi, personnellement, je stressais. Lui aussi stressé, il va pas le dire, mais voilà. Ouais. Tu vois? Bah non, mais moi je me rappelle même pas de la première émission. Moi je me rappelle très bien de la première émission parce qu'on savait pas quoi faire. On était là, on était posé comme ça. Pas, hein. Moi, je me rappelle très très bien. Allez, raconte-nous la première émission. Je me rappelle, c'est vague. Non, mais franchement, ouais, c'est vague, ouais. Mais je m'en rappelle en tout cas. Franchement, c'était limite quel bouton vraiment toucher. Ouais. Même si je savais quoi faire, mais. Tu montais un peu ouais. tout. On sait pas. Ouais, est-ce que légèrement la panique. Voilà, c'était vraiment une panique. Ouais, c'est une panique. Par rapport à. Tu vois, est-ce que si on a touché ce bouton, est-ce que c'est vraiment ça tu ouais, vois, est-ce qu'on est vraiment live là ou pas quoi, voilà. Et puis même au niveau du contenu de l'émission, c'est que même on dit, putain, c'est fait chier parce que c'est plus lui qui va me dire, ouais, j'ai reçu des retours ouais. qui disaient qu'on était plus trop en mode lecture ou bien en mode machin truc, qu'on est en mode hésitation, machin truc. Bah, du coup, voilà, c'était le gros plus, c'est qu'on a eu des amis quelque part derrière qui nous ont écoutés. Et qui vous ont fait et qui nous ont fait part de leur ressenti, tu vois. Okay. Mais c'est plus dû de son côté. Moi, j'ai pas vraiment eu de retour parce que je n'ai pas vraiment parlé. D'où le côté vraiment, même si on se connaît bien, mais on est vraiment, pudique. Ouais. On parle pas vraiment de ce qu'on fait ou de ce qu'on ouais. dit, ce truc. Mais voilà, okay. sur certains points qui nous réunissent, on va en parler parce que voilà, pour faire développer un délire, tu vois. Ok. Et en tant que animateur radio là, si vous deviez donner quelques conseils à un jeune qui a envie de faire son émission, ce serait quoi ? Il a vraiment envie de le faire. Non mais c'est vrai. Ouais. Si t'es motivé, tu peux le faire. Non, qu'il ait vraiment envie de le faire, c'est-à-dire que faut que ça soit dans son ADN quoi, tu vois ou pas ? Ok. Si c'est pas dans son ADN, c'est pas la peine. Ouais. Parce qu'il va venir, il va faire son truc, tu vois. C'est, je sais pas, il y aura pas la passion, tu vois. Si tu veux faire une émission radio, tous ceux qui font leur émission, il y a une passion derrière. C'est aussi simple que ça. Hein. Si t'as pas la passion, c'est pas la peine. C'est que même moi, j'ai même envie d'aller plus loin. Quand je dis la passion, c'est pas la musique. Hein. C'est tu peux avoir une passion pour la photo, une passion ouais. pour l'art, pour venir faire ton émission, ouais. tu vois, un truc qui te pousse à venir faire ton émission. Quoi. Yes. C'est que j'ai même envie d'aller plus loin. Quand t'as pas la musique, c'est un délire où je pense à accepter d'entendre sa voix. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude de s'entendre. Même il y a des chanteuses ou même des rappeurs qui rappent super bien ou qui chantent super bien, mais qui peuvent pas, qui disent putain. Même moi j'ai du mal à entendre ma voix. Même moi franchement tu m'enregistres là, je vais écouter, j'ai dit putain je parle comme ça en fait. Ouais. Même moi j'ai du mal, mais à force en fait quelque part vu que je me suis déjà entendu rapper et chanter, bah, les deux côtés en fait qui en guillemets pour moi personnellement qui peuvent me fragiliser j'ai envie de dire tu vois parce que je suis pas habitué ou parce que j'ai pas envie mais voilà bim je me dis bon je m'en fous quoi je parle comme je parle t'apprécies ouais pas, normal fous. C'est normal ça fait partie de toi c'est ça le truc tu vois. Mais par contre il faut vraiment accepter ça quoi. C'est vraiment le truc s'entendre même lui il a fait un signe ouais. compliqué, c'est compliqué d'entendre sa voix. Il est passé à Radio Campus un coup parce qu'il avait un souci de t-shirt, je sais plus quoi là. Ouais. Et il avait du mal à s'entendre. Donc, ouais. Du coup, il a quand même parlé parce qu'il fallait ça. Qu'il. Voilà. Ouais. Par contre, il avait du mal. Il disait putain, j'ai du mal à entendre. Je vois. C'était un choc pour lui en fait. Tu vois. Le t-shirt gate. Il y a des personnes comme ça en fait. Okay. Là, faut, même quand il n'y a pas le côté musical. Ça se travaille quoi, ça se travaille. T'as toujours pas ton t-shirt. Sérieux? Du coup, il se cache, il veut pas parler dans le micro. Une petite dernière avant de remettre un petit son là en passant. Ouais. Ça m'a fait penser, ça me fait rebondir. On parlait de passion. Est-ce que dans votre entre guillemets carrière de rappeur, un jour vous vous êtes dit ben je finirai à la radio, et à l'inverse, est-ce que la passion pour le rap ça vous a facilité le fait d'arriver à la radio? C'est ce que j'ai expliqué justement. Hein, par rapport à la connaissance du matériel, un peu, ouais, tout voilà. Ça, ouais. Bah, déjà, non, quand on rappait, on s'est pas dit non, on va faire une émission radio plus tard, tu vois. Ouais, c'était pas le cheminement qui. En tout cas, pas pour l'instant. Okay. Ça allait sûrement venir, je pense, si. Tu vois. Mais non, c'est plus facile, en tout cas, c'était plus facile pour nous. T'as... Donc, on est arrivé, voilà, machin, on a fait nos trucs, boum, on est arrivé. Bon. Le petit moment de stress, je pense, avec les platines, la table de mix, tu vois. Ouais. Et puis après, terminé, tu vois. Yes. Voilà. Bah après, c'est vrai que par contre, que ce soit rap ou radio, je n'ai jamais pensé mettre un pied là. Ouais, bah, peut-être quand j'étais petit, je me suis dit, peut-être, ouais, tiens, être animateur radio, bon, on me voit pas, je fais mon truc, personne me voit, tu vois. Voilà, ouais. Le côté vraiment, ouais. Vraiment soum-soum. Homme de l'ombre, ouais, comme on dit. Okay. Mais sinon, je me suis jamais dit que j'allais être star du rap ou de la radio. Tu vois, en gros, nous, la radio, c'était juste pour venir poser. C'était pas pour venir animer. C'était surtout ça. Franchement, c'était moi comment j'ai mis en place le délire, c'était plus pour avoir un média. Pour les gars de Buzak. Ouais. Que ce soit pour nous ou même les gars de Buzak. Parce que Radio Sud, c'était un peu. Donner de la visibilité. Voilà, c'était un peu bancal, Radio Sud, machin, truc et tout, c'est tout. Et puis voilà, Radio Campus me dit bon, c'est peut-être plus écouté, je sais pas. Okay. Ouais, mais en tout cas, voilà, je sais qu'il y avait quand même un podium un peu hip-hop que j'ai installé. Je me suis dit bon, tu sais, voilà, rentre dans le délire, fais un truc quand même plus diversifié. Yes. Faut pas oublier que du coup, l'émission, la base, en fait, c'est pour promouvoir, si tu veux. Justement, j'allais demander. Ouais. C'est pour ça que j'ai ça, tu vois. Comment ça, toi ? Bah, la culture, déjà, en tout cas, hip-hop. Dans la globalité, afro, hip-hop, du coup, mais aussi les artistes. Byzantins. Mais quand on dit artiste, quand on dit artiste, c'est les entrepreneurs, les artistes, les, je sais pas moi, avocats, juste peu importe. D'où le thème, le terme. Les photographes, les. Entertainment. C'est vraiment voilà, c'est tout. Divertissement, en gros. Quoi. Enfin, je suis en train de regarder parce que sur votre Insta, vous aviez mis. Émission centrée sur la musique afro dans sa globalité ainsi que sur son influence dans notre société. Et quand tu lis ça, c'est sérieux. Bah ouais, c'est sérieux. C'est super sérieux quand même. Hein. C'est ça. Ah, c'est vrai, parce qu'en fait, les gens en fait oublient que. Bon, j'ai pas fait le pro black ou le black panther, machin notre truc. État mais c'est vrai, c'est qu'en fait, le rock, la techno. La house, machin, ça tout. Ça découle. Non, ça découle pas. En fait, c'est en gros, c'est pas une histoire de dire ouais, justement, on est pro, c'est Black Power. Mais il y a une vérité qu'il faut que les gens sachent, tu vois. C'est que en fait, tout ça, c'est pas ce qu'on écoute, mais tout ça, ça a été créé par la culture afro. En fait, c'est des Noirs qui ont créé toutes ces musiques-là, en gros, tu vois. Sauf peut-être le hard rock. Et ça, on s'était dit, il faut qu'on fasse des recherches. Parce que même dans le hard rock, il y a moyen que ce soit aussi des Noirs qui ont fait ça. Il y a franchement une échappatoire qui s'est faite. Non, mais c'est vrai, mon gars, tu vois, c'est ça le truc. Non, mais c'est vrai. Fait. Donc, on s'est dit quoi ? Il y a peut-être que... Bon, si, c'est sûr, il n'y a que le classique, en gros, que c'est pas du noir. Et encore, tu vas chercher Amadeus, tout ça, c'est un métisme. Ouais, voilà. Bon, bref, on s'en fout. Donc, mais... en gros, c'était pour dire que, en ça fait... Ça connaît des liens, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on a fait dans la globalité, genre, on invite de tout, dans tous les styles, si tu veux. Okay. C'est pour dire que, en fait, Les gars, on fait notre émission Afro Hip Hop, mais en fait, c'est pour vous dire qu'on fait une émission Afro Hip Hop et on invite des gens de tout horizon. Yes. Pourquoi ? Parce que il y a un lien direct, en fait. C'est ça, okay. C'est vraiment toi, t'écoutes ouvert, du rock aujourd'hui, tu crois que c'est ta musique, mais non, c'est moi qui l'ai créé, putain. Moi qui l'ai créé, connard. Mais je l'écoute pas, mais je l'ai créé, tu vois. T'écoutes ta house, c'est moi qui l'ai créé. T'écoutes ta techno, je l'ai créé, tu vois ou pas. T'écoutes ton hard rock, t'es raciste, mais bon, ça vient d'une musique de black. Donc ferme ta gueule, tu vois. Non, mais en fait, on s'est mis dans un délire pour voilà pourquoi on a parlé de black machin truc avec sa présentation. Après c'est pas un côté c'est une vérité, faut pas voir le côté parce qu'il y a communautariste pour dire ouais nous les mecs, non c'est une certaine vérité pour vous dire les mecs, non okay, en fait c'est l'histoire, c'est juste l'histoire. C'est passé parce que les gens ne connaissent pas l'histoire de la musique, tout ça, donc il y a un moment donné il faut le dire, tu vois. Je vais te parler par exemple des gars comme Mick Jagger ou bien des Beatles, les Rolling Stones ou bien les Beatles. Yeah. Les mecs, ils ont avoué qu'ils se sont directement inspirés de, tu vois, des artistes de l'époque afro, tu vois, de la funk, la disco, ou bien même de la soul, tu vois. Pour Mick Jagger, tous ces mouvements qu'il fait sur scène, tout ça, c'est direct de ça. Lui-même, il avoue, il a fait même un documentaire sur, tu vois, des artistes, tu vois, de l'époque et tout. Lui-même, il a fait un documentaire et il avoue que tout leur truc, tout ça, ils sont allés pomper ça, tu vois, chez les artistes afro-américains. Ouais, et, ça tout. Et ça, les gens le savent pas, tu vois ou pas. Elvis Presley, c'est la même chose. Ouais. Le King Elvis, mais ils l'ont tous avoué un moment ou un autre, tu vois. Yes. Donc en fait, c'est pour dire que voilà, les mecs, c'est pas qu'on veut faire les pros Kémy Séba ou ce que tu veux. C'est comme par exemple, dans 10 ans. Tes enfants vont te dire ah, Michael Jackson, c'est un blanc. Toi, tu vas dire quoi? Non. Mais c'est le même délire en fait. C'est le même délire avec. C'est le même délire en fait avec la culture musicale. Ouais. Donc en gros, elle était un peu chamboulée quelque part. C'est en gros pour te dire, si nous aujourd'hui tu nous envoies écouter du rock. Ou si tu nous vois écouter de la house ou de la techno ou je sais pas quoi, faut pas t'étonner en fait, vu que ça vient de nous. Donc faut pas t'étonner, tu vois ou pas. Par contre, moi je sais pas. Après moi je suis pas dans cette optique là. C'est que moi par exemple je vais écouter s'il y a un groove, s'il y a un truc. Non, mais moi c'est ça qui m'intéresse. Moi ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup qui m'ont, par exemple, qui m'ont dit ah mais t'écoutes ça toi. Bah ouais connard, j'écoute ça, tu vois. Pourquoi j'écouterais pas ça? Ça, c'est ça le truc. Mais ce que je dis, c'est qu'en fait, il y a une différence. C'est que moi, il y a une différence d'approche. C'est que toi, tu vas plus te dire parce que c'est à des coups de nous, alors que moi, je vais plus écouter parce que il y a un groove, il y a un truc. Même si c'était un blanc chinois ou un pakistanais qui l'a fait, non, je vais écouter. Non, du coup, c'est pas ce que je dis du coup. Il rigole. Pourquoi quand je dis pakistanais, vous rigolez? Ce que je dis, du coup. Vous êtes raciste ou... Ce que je dis, c'est ça. C'est je vais écouter ça parce que déjà il y aura le truc, tu vois, il y aura la musicalité, machin, tout ça. Mais c'est genre l'étonnement après derrière de tiens, ah t'écoutes ça, tu sais, c'est oui, ouais, j'écoute ça, putain. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourtant les gens savent très bien que les blacks, on aime bien le rythme, on est vraiment enfin. Parfois sur le djembé et tout, mais bon. Ouais, continue. Non, mais moi je vous laisse, hein. Moi je suis tranquille, là je suis en train de mater un film là. Il est 23h13, on te laisse continuer. Il est où, Younes? Ah, bonne question. Où est Younes? Younes, RR Angola, il est où? 23h13, Younes n'est toujours pas là. On espère qu'il n'est pas. Il est censé être. Je ne sais pas. Il devait être là à 22h. Non, mais c'est vrai que Saint-Vite, c'est quand même très très loin. C'est très loin. C'est très loin de Besançon, Saint-Vite. Ah oui, c'est 900 km. Ah, purée. C'est Marseille Paris. Le mec qui dort tranquille dans son coin. Bon, bah, Jonas, si tu nous écoutes, on est toujours là jusqu'à minuit. Voilà, si jamais t'as envie de passer. Et si jamais t'as envie de passer, c'est quoi? On va pousser jusqu'à 2h du matin. Ok, allez, bim, allez. On est là pour toi, t'inquiète pas. Écoutez, j'ai 3 sons. 13 blocs, essaye, Kobo, All Eyes on Me ou 4 Cuz, Paris la nuit. Allez, qui c'est qui choisit? T'as dit quoi? 13 blocs, essaye, Kobo, All Eyes on Me et 4 Cuz, Paris la nuit. Bah allez-y, choisissez, hein, moi je vais. Ah, c'est ma playlist. On connaît pas, c'est ta playlist, on connaît pas. Allez, 13 blocs, Kobo, allez, 13 blocs. 13 blocs, essaye. Yes. Bon, j'envoie le 13 blocs et puis après on va parler un peu culture musicale justement. Vas-y, okay, y a pas de soucis, yeah. Let's go. Radio. La 25e, Tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Crac-crac-radio-sud.net 101.8. J'essaie de vivre ma vie comme je veux, mais je vois que les négros ne m'aiment pas. Je compte, je fume, je compte plus qu'avant. Je me sens bien vu, que les euros ne manquent pas. Plus de love, plus de calcul, on se kiffe qu'un soir. Par contre, je blague pas avec ça. J'essaie de vivre ma vie de vie. Continuerai comme ça. Maman a fait un rêve de moi cette nuit. Elle m'a dit: mon fils, toi et ton groupe finirez boss dans cette vie. Arrête toutes tes bêtises et concentre-toi dans ce que tu fais. Maman, je vais te faire briller comme les éclats de la tour Eiffel. Défoncer ce couche, je m'en bats les couilles de tout. Je m'en bats les couilles de tout. Je dois faire entrer les housses. Des boulons dans leur bloc, on les fait courir sa mère. Je frime avec mes necks, ceux qui cherchent la merde. J'essaie de vivre ma vie comme je veux, mais je vois que les négros ne m'aiment pas. Je compte, je fume, je compte plus qu'avant. Je me sens bien vu, que les euros ne manquent pas. Plus de love, plus de calcul, on se kiffe qu'un soir. Par contre, je blague pas avec ça. J'essaie de vivre ma vie de vie. Je continuerai comme ça. J'essaie de vivre ma vie, essaie de vivre la tienne. Chien de la casse, donc je paie ces putes comme des chiennes, ouais. J'essaie de briller comme mes chaînes, ouais. T'es dans un film, je vis de sang, j'ai de chaîne, ouais. À la recherche du big deal. Les billets sont sales mais bien pliés. La droiture, je crois que c'est plié. J'essaie de vivre ma vie de ville. J'essaie de vivre ma vie comme je n'oublie pas. Les gens n'aiment pas, je crois que j'essaie de vivre ma vie de vie. Je continuerai comme ça. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Crac-crac-radio-sud.net 101.8. Yeah, la 25e, 23h18. Ah oui. On est toujours là dans les locaux de Radio Sud 101.8 FM. Radio Sud.net, il est complètement cinglé. Ah oui. Ah oui, oui. Moi, ma gimmick à chaque fois, c'est yeah, yeah, yeah, la 25e. Alors toi, c'est ah oui. Oui. C'est swing. C'était quoi? C'était 13 blocs, essaye. Donc ça fait partie de la playlist concoctée spécialement ce soir par mon ami Le. Si, si. Ce que je te propose, tu vas nous poser des questions, ah, mais oui. On va faire court pour passer un peu plus de son, non? Non, non, non, c'est très bien, t'inquiète non pas. T'inquiète okay. pas, on va. T'inquiète pas, on va. Je regarde le temps, là, je suis maître de okay, temps. Ok, ok, pas de soucis. Tout à l'heure, on parlait de culture musicale. C'est. Pour culture musicale, je voulais vous poser cette question. Quelles sont vos influences, vos classiques, si vous avez. Oh là là, mon gars. Allez, on va dire. Je sais pas, tes influences, qu'est-ce que. Mon gars, elles sont diverses, mec. Hein. Bah ouais, c'est fou, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Moi, c'est le Zouglou, mon gars. Yes. Tu vois ce que c'est, le Zouglou? Pas trop. Le Zouglou, c'est un des sons de chez nous, en fait. Okay, avant le coupé de décalé chez nous. Ok, musique africaine. Hein. Musique africaine, yes. C'était le Zouglou. Okay. Tu vois ou pas? Donc les influences, c'est les garagistes, c'est Je sais pas moi, c'est il y a quoi encore comme groupe? Il y a Antipaluf, il y a plein de groupes, Petit Denis, enfin des groupes que tu connais pas, tu vois, je les cite là. Peut-être que je vais te citer Magic System, tu vas les connaître. Mais quel Zouglou ça. Il y a en fait, mais à la base en Zouglou ils sont bons, tu vois, c'est juste quand ils se sont exportés qu'ils ont commencé. Oui, mais sinon après ils ont éclaté, mais sinon il y a des mecs qui sont larges. Ouais, voilà. Mais après ça c'est vraiment les vraies influences en gros, tu vois. Mais sinon si tu commences à aller dans le rap, le hip hop, tout ça, enfin, avant ça il y a tout ce qui est soul, il y a tout ce qui est on écoutait de la funk, on écoutait du disco, on écoutait mon gars, c'est pour ça que je te dis c'est tellement vaste mon gars. Après si tu veux que je te cite t'écoutes un peu de tout, quoi. T'es quand même beaucoup de tout même, j'ai envie de dire, tu vois. On va dire que t'es pas en mode moi je suis très hip hop je suis très hip hop, mais j'écoute beaucoup de tout. Toi, par exemple, il y a des gens, tu leur dis ça t'arrive d'écouter de la techno, ils disent jamais de la vie, tu vois ce que je veux écoute, t'es assez ouvert. Je vais te dire un truc, en fait quand tu écoutes du rap, ouais. En tout cas, à l'origine, quand tu écoutes du rap, tu te dois d'être ouvert aux autres musiques. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la base, le rap, mon gars, c'est du sample. Le sampling, tu vas chercher dans d'autres musiques le sampling. Exact. Tu vois ou pas? Exact. Donc, en fait, quand tu écoutes du rap, il faut que tu aies l'oreille. Il faut que tu ailles écouter autre chose. Tu vois, exact. Faut t'aille écouter du classique, faut t'aille écouter de la soul, du rock, peu importe en fait. En gros, pourquoi est-ce qu'il faut être ouvert et pourquoi est-ce que pour développer ton propre style musical? Parce que dans le sampling, c'est quoi? Tu prends quoi? 30 secondes, 10 secondes, 5, machin. Tu peux même prendre 10 samplings et puis te faire un seul son, tu vois ou pas? Yes. Donc en gros, c'est ça. Moi, t'es obligé d'aller piocher. Moi, je dis que quand tu écoutes en tout cas du rap, t'es obligé d'être ouvert en fait aux autres musiques. C'est sûr. Ou pas? Yes. Après, tu peux après écouter du rap sans être ouvert à d'autres musiques. Hein. C'est toi qui vois. Mais moi, en tout cas, c'est ma vision. Petite leçon de sampling pour ceux qui savaient pas. Du coup, ce qu'est le sampling, un sample, c'est récupérer un morceau de musique d'une autre musique pour l'intégrer et composer avec. En fait, c'est le rap. C'est le rap. Depuis le début, c'est ça. C'est le sampling. Yes. Voilà. Après, c'est ça. Après, l'avènement des rappeurs, c'est des beatmakers qui voulaient créer les propres sons. C'est ça qui a fait que, justement, beaucoup ont perdu cette recherche musicale. Ça s'est fait dans les milieux des années 90. C'est ça. Jusqu'en 2000, j'ai envie de dire. Même. Et tu te rends compte que finalement, les mecs, ils vont plus composer. Et 2007-2008, moi, j'ai vu une grosse merde. Le sampling, c'est même avant. Quoi. Ouais, bien avant. Ouais. Mais tu sais qu'en fait, la cessation en fait, du sampling, au niveau des compositions des beatmakers, entre guillemets, comme Dr. Dre. Avant, c'était les DJ et après, c'était les beatmakers. Ouais. Et là, maintenant, il y a un avènement de beatmaker mais à outrance, mais hardcore, comme je sais pas, à partir de comment s'appelle le gars là, Soulja Boy. 2007-2008, je sais plus. Le mec, il a, pour moi personnellement, il a comment s'appelle, je pense de sortir un mot dégueulasse, mais il a dégueulassé il a pixelisé le rap en fait. Soulja Boy, c'est lui qui l'a internisé. Franchement, je vais pas moi aussi. Hein. Moi, j'écoute des sons, même des sons que je kiffe, que j'apprécie. Hein. Mais quand je me pose, je réfléchis, je me dis putain, en fait, il n'y a pas de recherche musicale. Puis les gars vont rappeler dessus. Alors qu'à l'époque, tu regardes, avant ça, il y avait des recherches, il y avait une musicalité, il y avait un truc. Ramener des violons, ramener une guitare, ramener un truc. Même si c'était pas des guitares, comment ça s'appelle, acoustiques, mais il y avait un truc, il y avait une recherche musicale derrière. Il y avait tous les instruments. Après, moi, c'est mon point de vue. Chacun son point de vue. Je voulais vous poser cette question plus tard, mais on peut en parler maintenant. C'est quel regard vous avez, vous, sur l'évolution de la musique en général? Bon, on est dans une émission culture urbaine, donc on va dire la musique urbaine, entre guillemets. Tu vois, toi, tu me dis, tu trouves qu'il y avait peut-être plus de recherche musicale avant et moins maintenant. Largement. Est-ce que après la recherche musicale elle est comment ça s'appelle transposée ou elle s'est transformée dans un délire, c'est que en fait les gens vont plus se pencher maintenant soit sur le sample ou bien sur une recherche en fonction de leur délire à eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Hello Wait, c'est 808, clap avec une petite flûte ou bien un délire derrière qui va faire que ce sera un bon délire. Mais par contre, le rappeur doit chantonner ou bien rapper avec un délire un peu autotuné, machin truc. Mmh. Ça, c'est une autre recherche en fait. Ouais. Mais okay. ça ne correspond pas à la recherche de notre époque, nous. Oui, voilà. On n'est pas vieux, hein. On n'est pas super vieux, c'est juste il y a peut-être 10 ans qu'il ne sait pas, même 5 ans, tu vois. Quand tu réfléchis bien. Mais moi, je ne suis pas ça, je suis pas de. Moi, en fait, il y a une grosse cassure à partir de Lollipop, par exemple. De Lil Wayne? Oui. Ouais, 2007. Okay. À partir de là, toi, tu trouves que ça a commencé mais un bien peu avant à même. Partir dans autre chose. Bien avant, légèrement, je sentais qu'il y avait un penchant bizarre. Peut-être un ou deux ans avant, parce que franchement. Lollipop, je ne dis pas Lollipop parce que c'est vraiment le seul son que j'ai écouté de l'époque. Hein. Moi, j'écoutais plus de sons après. Même The Game qui a sorti. Ouais, mais après, voilà, c'est ce que je disais. Franchement, tu étais fermé aussi, du coup. Non, même pas. Donc, pas fermé, on écoutait déjà des sons que tu voulais pas écouter, tu vois ou pas? Ouais, mais c'est pourquoi? Parce que j'étais pas fermé, mais je sais pas comment expliquer, mais c'est que c'était un autre délire en fait. C'est comme j'ai envie de dire que franchement, j'ai envie de dire que je suis le parfait français, tu vois? Je suis un français, je suis le parfait français. Pourquoi? C'était pas le fromage que tu voulais. Non, mais c'est qu'en fait, voilà, c'était pas le comté, c'est pas le comté avec tel goût. Voilà. Donc, est-ce que du coup, je devrais te caser dans une. Enfin, est-ce que je devrais te mettre dans la case des puristes? Non, avant, ouais. Mais peut-être là, maintenant, je suis plus dans une optique où personnellement, j'ai envie de découvrir. Donc, ce qui fait qu'en fait, même là, je découvre même le rap français. Pour te dire, hein. Même si je kiffe Lino, même si j'ai écouté, mais pas à fond. C'est seulement maintenant que j'écoute vraiment à fond, tu vois, okay. Pour te dire. Je connaissais ces mecs-là. À l'époque, moi, j'étais beaucoup plus rap français. Moi, j'ai grandi au Bled. Ok, je suis arrivé en 2000. Quelle origine? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ok, je suis arrivé en 2000. Et avant d'arriver ici, j'écoutais les codes du micro d'argent. J'écoutais Arsenic, tout ça, tout ce que tu veux. Solar, Ménélique, tout ce que tu veux. Tout ce qui a cartonné. Mais j'écoutais pour écouter. Ok. Comme j'écoutais le rap Kenry. Ok. Je ne me penchais pas sur l'écriture, sur les trucs. Voilà, on a grandi dans le côté musicalité. En fait. Moi, je suis beaucoup axé sur la musicalité. Et quand tu me disais que du coup, maintenant, tu découvres, est-ce que, je pose la question aussi en même temps, ouais. Est-ce que vous avez des derniers kiffs, du coup, on va dire rap français, après on peut élargir. Moi, franchement, mon dernier kiff, moi, comme j'ai dit, la dernière fois, c'est Rémi. Rémi, ouais, Rémi d'Aubert. Le poulain de McTayer. Ouais, j'ai écouté son dernier projet. Franchement, il y a des sons que j'apprécie pas, mais il y a 2-3 sons que j'ai bien kiffé. Et il faudrait que je retrouve les titres, mais en tout cas, j'ai bien accroché. Après, c'est du nouveau à l'ancienne, du coup, c'est un délire. Ça te parle plus. Moi, j'estime que le rap français, comme ils appellent ça, la langue de Molière, on est obligé d'écrire, en fait. C'est pas comme les Kenry. Bon, B2O, il peut se permettre de raconter des conneries parce qu'il a eu son temps. OK. Un charisme comme La Fouine ne peut pas se permettre de faire ce que B2O fait. Rof, s'il le fait bien, il peut se permettre de faire ce que Bezos se fait. Okay. Comme Kerry James, pareil aussi. Parce que c'est même génération, peut-être pas fait de la même façon, mais voilà, ils peuvent se permettre de faire ça. Mais chacun a choisi son... Moi, pour moi, hein, chacun a choisi son clan, tu vois. Par contre, la nouvelle génération qui arrive là, ce que moi je kiffe, c'est qu'il y a certaines personnes qui allient, en guillemets, l'ancienne génération. Ça me fait chier, je dis l'ancienne génération, parce que pour moi, l'écriture doit être clean, quoi, tu vois. Oui. et avec une certaine rythmique, un certain délire, un certain truc, tu vois. Et c'est ça qui me fait plaisir chez Rémi, par exemple. Ok. Et je vais encore aller plus loin. Tu n'as pas posé la question, c'est que je n'ai même parlé même à des amis, en guillemets, blancs. Je suis black. J'ai dit, putain, j'ai même fait chier certains blagues. J'ai dit, mais putain, vous faites les beaux, mais mec, c'est comme au basket. Ce sont des blagues qui me font kiffer. Vous faites quoi, les noirs, là, en fait? Vous faites quoi maintenant, les mecs? À part rester là frimé, machin, truc. Ouais, non, non. Nous, à l'époque, on pourrait dire, ouais, on va bosser, on va faire un truc, on va essayer d'écrire des trucs, machin. Nous, on n'a pas eu la chance de faire des projets studio. Ouais, ouais. Parce que c'était déjà cher, on n'avait pas de boulot, on était tous étudiants. Et c'était vraiment galère. Bon, ça tient que chacun fait ses pailles. Attention, ils arrivent. C'était chaud. Là, non, mais franchement. C'était une autre époque aussi. Une autre époque. Et puis, en plus, à notre époque, déjà, nous, on était un peu boycottés parce que. On était dans un délire un peu carré, machin, truc, c'était un peu chaud. Bah, pas chaud à hardcore, mais oui. Voilà, pour dire, voilà, c'était un peu, voilà, c'était un peu mis de côté. Mais franchement, il y a moins de faire de bonnes choses, tu vois. Et je me dis, putain, les mecs, je vais être salace, mais les nègres aux États-Unis se sont battus pour avoir ce délire rap, hip-hop, machin, oui. Truc, qui a débarqué en France, que certains nègres. On se sont accaparés en des années 90 et tout, comme Kerry James, tout ce que tu veux, je cite des noms, je peux citer plus de noms. Et finalement, on arrive là, mec, c'est des blancs qui nous font kiffer dans notre propre culture, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et même dans le basket. Le basket, tu te rends compte que finalement. Ouais. Non, mais. Après, tu considères que le rap doit avoir une couleur? Non, ou... pas le rap doit avoir une couleur, mais c'est juste pour dire, pour fermer la gueule en fait à certains, ouais. Jeunes blacks, non, les mecs, allez écrire. Ouais, travaille ton truc. Écrivez des bonnes choses et travaillez vos textes, que ce soit blanc ou chinois comment ça s'appelle, pack ou bien black. Écrivons, quoi, tu vois. Yes. Arrêtons les petits textes, ouais, salope, on baisse, non, ouais. Les coups de ça, quoi, c'est bon, c'est fini, quoi. Écrivons des trucs, des choses un peu intelligentes. Oui, t'as besoin que ça revienne un peu aux bases, au message. Enfin, peut-être que le message a changé et que tu t'y retrouves pas, quoi, du coup. Il y a toujours des artistes. Hein. Quand tu cherches, il y a toujours des artistes qui posent. Hein. Il y a toujours des artistes qui ont des plumes. Mais il faut les chercher. Il faut les chercher. Aujourd'hui, il faut chercher. Moi, en fait, personnellement, ce qui me fait chier, c'est... Moi, personnellement, si je suis encore dans le rap, je dis une chose. Hein. Voilà, je vais vraiment expliquer. Je suis encore dans le rap, mais je suis encore dans le basket. Ça me ferait chier de voir des personnes qui sont médiocres que moi, percer. Point barre. Oui. Ouais, c'est souvent ce qui arrive. Oui. Moi, c'est bon, bah. Voilà pourquoi, en fait, je parle de ça. C'est qu'en fait, moi, je dis, putain, les mecs, à la base, bon, comme. Comment ça s'appelle Bobaladé. Non, même. Bobaladé, je parle moi, j'ai parlé de Booba et Kennedy. Ils avaient fait un son avant les Blacks. Je sais pas quoi, c'était sur West Side. Ils avaient fait un featuring quand les Blacks étaient des modèles. À la mode, un délire comme ça, je sais plus quoi. Ouais. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles ce son. Oui, oui. Tu vois, mais c'est un truc ironique. Mais. Une réalité qui se passe. Tiens, finalement, j'écoute Nekfeu, même si je sais qu'il a des penchants un peu bizarres. Bon, allez, on s'en bat les couilles, ça, mais j'écoute Nekfeu. J'écoute même Orelsan. Bah, c'est des tueurs, les gars. Ouais, mais j'écoute plus Black. C'est un truc de ouf. Ils vous ont piqué votre art. C'est un truc de dingue. Hé, Théma, au basket, je kiffe qui? Je kiffe. Bon, c'est des métis, mais je kiffe. Mec, je kiffe. Comment ça s'appelle, Curry? Curry, ou bien comment s'appelle son gars là? Bah, c'est un métis. Bon, ouais, il tire plus vers le blanc, quelque part, on va pas se mentir. Mais par contre, Durant, je kiffe Durant. Tu vois ce que tu dis? Durant, bah, Durant, c'est un black, mais Curry, et puis comment s'appelle Thompson, il tire plus vers le bateau que le black. Ouais. Bah, c'est des renois. C'est des chabins, quoi. Pour eux, c'est des renois, mais ici, en France. Il est quand même noir. C'est des chabins, style. Durant. Aux Antilles. Ah, Durant, ouais. Aux Antilles, on dit c'est les chabins. Ouais, les, mais bon. On va voir parce qu'ils ont des cheveux bouclés, mais voilà, mais sinon, ils ont une couleur. Non, mais pour te dire que franchement, c'est hallucinant. C'est que moi, par exemple, quand je jouais au basket à l'époque, quand j'avais 13-14 ans, j'étais à fond. Là, tu vas voir des. Moi, j'ai rencontré des jeunes, c'est des mecs. Ouais, non, ils vont frimer. Putain, mais. Il est reparti, hein. Ça y est, il est reparti. Non, mais ça me rend ouf. Du coup, j'ai eu le dernier kiff. Rémi, de ton côté. Yep. Et toi, est-ce que t'as eu un dernier kiff? Est-ce putain, que t'as mon eu gars, un dernier... Rap français, c'est Rémi, mon gars. J'écoute tellement de musique. Ouais, mais si t'as, ouais, si t'as un truc là qui sortirait plus du lot qu'un autre. C'est chaud, mais... Bah, Jossman, par exemple. Jossman, ok. Jossman, ouais. Jossman, le son, c'est Factice. Yes. Tu vois, par exemple, Jossman, c'est... voilà, moi, j'ai trouvé que là, il commençait à être lourd, tu vois, avec ce son-là. Yes. Et non, après, moi, mon kiff, tu vois, moi, à l'époque, c'était quoi? C'était Science ou pas Crew. Ouais, il nous a fait chier. C'était Outkast. Yes. C'était Wu-Tang. Mm-hmm. En fait, tous les groupes. Yes. Tous les groupes, d'ailleurs, que vous aimiez pas. Non. Les Saiyans. Moi, Saiyans, je n'aimais pas, moi. Les, ah, quoi, ça allait encore. Mais j'étais pas fan. C'était ces groupes-là. Non, okay. Fan, mais ça allait. Non, ouais, Fugees, tout le monde écoutait, par contre. Ouais. C'est vrai que lui, il était vraiment fou de Saiyan, surtout. En France, c'était vraiment Saiyan. Saiyan Supa Kuo Amor. Moi, bon, franchement, ils avaient fait un album, mais je sais plus comment ça s'appelle, avec les dessins en jaune-bleu, là. Sur la pochette. Oui, je me souviens de ça. En jaune bleu. Ils sont en mode dessin des colliers. Oui, oui. C'est deux gamins, je crois. J'ai oublié sont bleus, le, je crois. Le titre de l'album. Mais à l'époque de Saiyan, bah, ça cartonnait, quoi. Il y a KLR, il y a X Raison. Non, mais le nom de l'album. Je crois que c'est X Raison, je crois. Ça devait être X Raison. Ouais. Il y avait un écolier, enfin un petit avec une équerre ou un truc. Si. Non, mais j'avoue que l'album était lourd, mais moi, j'étais pas fan. Mais j'aimais bien. C'est comme Lunatic. Lunatic, j'aimais bien Lunatic. Ouais. Mais je n'étais pas fan. Ouais. Je me disais, non, bon, ouais, c'est basique. Mais j'aime bien. Mais quand tu réécoutes maintenant, avec un peu de recul, non, mais c'est lourd. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, parce que moi, c'est ça. C'est pas cool. Ouais. Okay. C'est KLR. Après, je te dis, c'est vraiment parce qu'il y avait la Mafia qu'un fruit, il y avait Vrange. Ah, la Mafia qu'un fruit, non, pas du tout. À l'époque, non, pas du tout. Il y avait plutôt. Merde, le groupe. La Mafia tressée, pardon. Oui, ok. Voilà. Mafia Tressé et tous ces gars-là, en fait. Okay. Pete Bacardi, yes. C'est le premier album avec la rue, tout ça. Et Leroy Ghezia, Regarde à l'horizon, c'est un membre du Saiyan. Il n'y a que ce genre de sons-là que j'ai fait, moi, à l'époque. Ok. Et ce qui était fort dans Black Deep, c'est qu'en fait, il y avait différents univers, en fait. C'est que lui était à fond en Saiyan, on était peut-être, certains étaient plus. Pro-New Yorkais, d'autres plus pro-West Coast. Et on arrivait à réunir en fait, tous ces univers-là pour pouvoir faire quelque chose commun. C'était ça qui était fort dans le Mais est-ce qu'à un moment donné, c'était vraiment Wu-Tang et Dipset, tu vois? Oui, à un moment donné, c'est Dipset. Tu vois, on écoutait vraiment à un moment donné beaucoup de Dipset, tu vois. Quoi. Là, c'était vraiment. Ça nous a vraiment réunis, ça. En fait. Ah ouais. Si. Je vous sens nostalgique hein, quand même quand vous reparlez des Black Dips. Non mais franchement, il y a une reformation prévue à la NTM, en fait, tout ça ou non? Non. Y a pas de... Si tu veux, Shao, il y a une sorte de. Mais c'est passé. Il y avait eu une sorte de regret parce qu'on savait à l'époque le potentiel qu'on avait. À l'époque de Black Diplomat, il y avait Section d'Assaut. Et nous, on se disait, on se comparait un peu. Mais ils n'avaient pas pété encore Section d'Assaut. Attends. Nous, on les suivait. Je coupe juste un truc. Ils ont, moi, j'ai jamais été avec eux quand ils ont fait leur, comment ça s'appelle, leur battle. Bien. Ouais, il a jamais été jamais avec là. Nous, en fait. En battle, moi, moi, personnellement, je me suis toujours mis de côté parce que, bon, ça ne m'intéressait pas le son, tu vois, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais par contre, ils ont fait des trucs où ils étaient même confrontés à Black Ant. Ok. Et, à Paname. Ouais. Même, c'est son assaut, je crois. Ouais, je sais avec plus les applaudimètres. Qui, après, je ne me rappelle plus. Il y avait des histoires de concours d'applaudimètres. Porte de la Villette, Paris. Et puis, on avait fini quoi? Deuxième ou je ne sais pas quoi? On avait fini deuxième. Ou troisième. Enfin, bref. Okay. On était deuxième un truc France. Du genre. Et ouais, cette époque-là, tu vois, c'était bien quoi. Tu vois, on était là. Mais bref, le délire, c'est que. Il y a un petit regret parce que justement. En fait, j'ai envie de dire que Black Diplomate, tu sais, on était à Besançon, ok, d'accord. Mais Section d'Assaut, ils étaient à Paname. En fait, il y a un moment donné, si tu veux, on se comparait. Ouais. Section d'Assaut faisait ça, ouais. Black Diplomate faisait ça. Et en fait, nous, on trouvait, enfin, pas toi encore, mais nous, on trouvait avec Made, tout ça, qu'on se ressemblait trop. Ouais. À l'époque, avec Section d'Assaut. Mais pourtant, vous êtes confronté quand même. Ouais, ouais, parce qu'on faisait en fait les mêmes choses, si tu veux. Niveau freestyle, niveau machin. On trouvait que c'était trop semblable, quoi. Tu vois, les façons de faire et tout. Okay. On arrivait à l'arrache, on faisait les freestyles, machin, nanana, on kickait, tatatat, on repartait, nanana. Est-ce qu'on te coupait, c'est qu'en fait, ce qui est fort, c'est qu'avec Gizglouche, quand Gizglouche avait sorti leur projet, yes. Tu vois, il m'avait invité un coup aux Champs-Élysées. On est allé, il y avait Session d'Assaut qui était là. Ok. Et moi, j'étais un de ceux qui. Qui partait pas prendre des photos avec eux. Et après, on a discuté. Il y a. Ah, comment ça s'appelle là, je reconnais son visage, mais je connais pas son blaze. Il est venu me parler, et puis on a discuté et tout. Et puis après, j'avais parlé de la troupe. Et il a dit effectivement que, ouais, c'est vrai qu'en fait, Besançon, ça, et campagne et tout. Je lui ai dit, ouais, non, qu'il y avait parfois des petits battles et tout. Parfois, il y avait Black Dips qui était là, il y avait un grand Black qui rappe en anglais, machin, tout et tout. Il y avait des gars. Il dit, ouais, c'est vrai qu'on était en compétition, puis il était mort de rire. Il rigolait, Bon, moi, je m'en battais le couille, tellement. Bah, je voyais pas l'importance de ce truc-là, ouais. Tu vois. Parce que j'étais pas avec eux. Tu vois, et après qu'il m'en a parlé, je me suis dit, en fait, putain, mec, en fait, on est. Quand tu vois la suite, on est tellement, en fait. Ouais. Ah, c'est ça. Il y a un délire, c'est qu'après, c'est que c'est vrai que nous, on n'a pas eu la chance. D'avoir des studios, d'avoir des trucs. Eh ben, on va en venir justement à ces questions. Très bien. C'est bien, à chaque fois, tu me tends la perche. Moi, mais c'est ça, parce que c'est sous mon nez. Donc, parce qu'inconsciemment, on se suit. Tu vois. La transition est toute faite. Vas-y, c'est quoi ta transition? On va faire un petit. On va couper un petit coup. Okay. Et puis après, on va parler un peu de tout ce qui est structure. Vas-y. Et tout ça. Du coup, là, il me restait Kobo et Katkus. Non, du coup. Tu veux une autre? Ouais, un autre. Némir. Némir. Némir, laquelle? Némir, n'importe laquelle. Moi, j'aime beaucoup Némir. Hein, Bah, dans les sons que je vais taper Némir. Je vais taper Némir. Y a celle avec Alpha One. Attends. Ah, Jossman, Factice. Ouais, ah, tu veux écouter le Jossman? Non, Némir, du coup, après. Tu le Némir Rock'n'Roll, DPLT, Chance Sacrée. Bah, mais Rock'n'Roll. Si tu l'as. Yes, hein. Je vais regarder ça. On est toujours dans la 25e jusqu'à minuit, comme tous les jeudis, les 23h42. Oh là là, déjà. Oh, on va peut-être continuer, si vous êtes motivé, on continue. On va mettre un petit coup de Némir là, pour le poteau, et puis après... On enchaîne tranquillement. Et après, on mettra du Young Ma. Aussi. T'aimes bien Young Aimé? Ah, c'est ma chérie, mon gars. Tu valides fort? Et c'est quoi, pour elle, je deviendrai lesbienne, mon gars. Allez. Bien sûr. Donc, Young... pour les auditeurs qui ne connaissent pas Young Aimé, c'est une lesbienne. C'est une lesbienne qui rapporte. Et puis franchement, moi je la suis depuis très longtemps. Moi je suivais en fait ces débats en fait sur Instagram. Ces petites bastons, ces conneries, ces trucs. Je suivais ça longtemps depuis quelques cartons, quoi, tu vois. Ouais. Yes. Bah écoute, on va te mettre un peu de Young Aimé après, je sens que ça te. Let's go. Yes. 23h43 dans la 25e Radio Sud 101.8 FM, radiosud.net. L'émission B-City ce soir, on envoie Némir Rock'n'Roll. Sur demande de Sa Majesté Lurie. Yes. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Faut que les bouchons j'aime la vitesse. Quand je suis en tournée, c'est tous les jours le week-end. J'aime pas les mêmes aussi, moi je préfère les tigresses. C'est moins un verre que je fasse passer la migraine. Je comprendrai jamais tous ces jaloux qui me détestent. Elle s'est approchée, me dit pourquoi tu me délaisses. Au lieu de parler, apprends à écrire des textes. Je dors le jour, me réveille quand les lumières s'éteignent. Mode de vie rock'n'roll. On se consume comme les clubs. J'ai mon public comme mes proches. Les jeux dangereux comme les drogues. Mode de vie rock'n'roll. On se consume comme les clubs. Mon vie meurt avec les potes. Pas né à la bonne époque. on s'entraîne, quand ça traîne on s'entraide. Rien à foutre de tout ça, je veux devenir légendaire. Viens pas faire la morale si t'es pas exemplaire. Dis-moi t'étais où quand on avait besoin d'air. Faut que je perde besoin d'air, pour dormir besoin d'air. Mode de vie after all. Je suis conçu comme les clubs. J'ai mon public comme mes proches. Et je danse comme les drogues. Mode de vie after all. Comme les clubs, mon vie meurt avec les potes. Pas né à la bonne époque. Le quartier me manque, putain, j'aime trop la vitesse. À 240, la tête est sur la putette. Serre-moi du champagne et parle-moi ta piquette. Tu ne verras jamais les narines dans la zipette. Alexandre McGun, ça c'est pour mon habit scène. Sur Instagram, je reçois que des messages de vixen. J'irai pas rejoindre cette fille même si elle est sexy. Je sais que je peux tout perdre sur une envie de sexe. Mode de vie rock'n'roll. Traco business, pop et vol. H24, frère, c'est la folie. On a jusqu'à folle et folle. Mode de vie rock'n'roll. On est véreux comme les cops. Très attachant comme les drogues. Pas né à la bonne époque. Mode de vie rock'n'roll. Comme les clubs, j'ai mon public comme mes proches. Et je danse comme les drogues. Mode de vie rapper up. C'est bon, c'est comme les clubs. Mon vie meurt avec les potes. Pas né à la bonne époque. La 25ème, tous les jeudis. Ciao, Jules. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Il y a des verres. Il y a des verres, des verres de terre. Et évidemment, on parle des verres de terre. Mais bien sûr, mais oui. Ah, il y a des verres de terre. Eh ben, tu sais quoi, vu que c'est un peu ton kiff, je vais la mettre en fond. Ah oui. Non, je vais mettre en fond l'album de Némir. Tu m'as dit que t'as bien kiffé le. Ouais. Voilà. Tu parlais d'un coup de cœur, franchement, rap français. Bah voilà, c'est Némir, l'album de Némir. Le nom, c'est Némir. Allez l'écouter, c'est du putain de lourd, les gars. Yes. C'est du putain de lourd, tu vois. Si vous êtes ouvert, si vous aimez la musicalité et tout. Il faut reconnaître que cet album-là... Tu sais, il a mis 10 ans quand même à sortir ce putain d'album. Mmh. Et tu le vois, en fait, tu vois ou pas. C'est un album, en fait, qui peut... Il peut ramener un orchestre, tu vois. Sur scène pour faire les chansons de son album. Yes. Et ça, mon gars... J'ai fait tomber un truc par terre. Et ça, mon gars, c'est pas tous les rappeurs, les artistes qui peuvent ramener un orchestre, tu vois, pour faire les sons de son album. Et s'il est malin, franchement, il devrait faire ça. Moi, je pense, hein. C'est une très bonne promo. Ça peut ramener pour, du monde. Donc, du coup, Namir, en fait, il aurait fait. Namir, il aurait fait un album avec un orchestre. Non, il n'a pas fait un album. Il voulait dire qu'il pourrait ramener un orchestre pour la scène. Il peut ramener Parce que orchestre. La musicalité est vraiment bien faite. Tout est là. Némir, t'as dit. Némir. Ok, bah, je vais écouter ça. Voilà. C'est rap français, c'est ça ? Bonne promo. Il parle des femmes de... Ouais. Oh là là. Ah, ça m'intéresse encore allez, plus. Je vais repasser aux questions parce que je sens que tu vas t'égaler là. Juste avant, on parlait structure. Tu disais à l'époque c'était compliqué les studios tout ça. Là je vais parler d'aujourd'hui. Je vais en revenir à la radio forcément. Pour vous. Est-ce que vous trouvez qu'au niveau des moyens, Radio Campus vous donne tous les moyens pour faire votre émission dans la... Oui. Yes. Oula. Il doit y avoir le président de la radio qui... Je veux dire la vérité tout de suite. Il nous donne tous les moyens, c'est juste nous. On ne l'exploite pas, en fait, à fond. Ok. Yes. Ça ou pas ? On n'a pas le temps. Je veux te dire un truc, en fait. Radio Campus, quand nous a commencé, on voulait former une vraie équipe. Ok. On voulait qu'il y ait des meufs. Mmh. Pour faire des chroniques. Okay. On voulait qu'il y ait des gars pour faire des chroniques. En gros, on voulait être une vraie équipe, ouais, tu vois, ouais. Genre un gars qui va gérer, je sais pas moi, la vidéo, les posts Instagram, machin. Ouais. Et si jamais il y avait vraiment quelqu'un qui était là, qui gère les posts YouTube, machin, tout ça, tu sais, voilà. Parce que franchement... Aussi ça que même les chroniques, les chroniques dans les ouais, comme ça, on peut faire, que, en fait... Parce qu'à la base, on avait pris une émission pour 2 heures, voilà, tout le temps. Ok. À la base, c'était pour ça. Faire des vraies chroniques, faire des vrais trucs du début à la fin, oui, en fait, okay. Tu vois pas. Mais pourquoi est-ce que je sais plus pourquoi. Est-ce qu'ils vous mettent dans les bonnes conditions? Oui, est-ce que oui, la structure oui, est. Si, voilà, tout voilà. À fait. Ils nous mettent dans des conditions parfaites parce que tu sais, on a jusqu'à leur demander, par exemple, imaginons là, le 25 ou le 28 janvier, non? Il y a Al Capote là, à Mulhouse. Le 22 ouais. Janvier, je crois, c'est samedi, c'est janvier. À Mulhouse. Ouais. On peut demander une nacrette, par exemple. Ouais, il va okay. Nous dire, ok, vous pouvez y aller, mais il faut, tu vois, la condition, il faut interviewer l'artiste. Ouais. Tu vois, là-bas, tu vas pour bosser, surtout, quoi. Tu vas surtout pas si c'est accepté par l'argent, l'organisation et tout le bordel. Mais généralement, enfin, sauf pour les gros, comme on avait fait à rencontrer Racine, on n'a pas pu avoir Tikenja, c'était qui encore même Youssoupha, en fait, tout ça. En fait, on avait tous des accrèdes. Vous avez fait beaucoup de festivals comme ça, des concerts en mode accréditation. On a fait, mais le problème c'est qu'en fait les artistes et leurs managers n'avaient pas la possibilité bloqués justement. Ouais, okay. Non. C'était compliqué, et non. Surtout avec Tikenja et tout ça. Non, mais le truc en fait, c'est que on pouvait en faire encore plus que ça. Mais c'est que nous, en fait, personnellement, nous, okay. Franchement, ouais, c'est clair qu'en fait, un peu, mais... on ne saisit pas cette occasion, ouais, si tu mais veux. Vous avez la possibilité. On a la possibilité. Juste pour dire, par exemple, s'il y a Jay-Z qui débarque à Berlin. Je sais pas où. Rodia, c'est... même on à Paris, rêver, même on à peut Paris, rêver. Même à Paris. Ouais. Paris ou Berlin, je ne sais pas où. Ben, on peut envoyer ça à Radio Campus. Je vous dis, franchement, les mecs, voilà, nous, ça nous intéresse. C'est qu'il y a possibilité d'avoir une accréditation. Okay. Après, eux, ils vont faire la demande. Si c'est positif, on peut y aller. Mais peut-être que l'artiste, sur le moment, va nous dire. Non, oui, c'est pas possible. Non, mais Radio. Mais on peut aller avec une accréditation. Okay. Radio Campus, sur ça, franchement, ils sont horaires. C'est juste que, si tu veux, vu qu'ils bossent avec des gens, ils aiment bien bosser avec des gens carrés. Et ça, c'est normal, tu vois. Faut, quand tu bosses avec quelqu'un, t'as une radio, machin, il faut que ça soit carré, tu vois ou pas. Normal. Donc, voilà, tu fais une émission de rap, ok. Bah, tu vas interviewer, ok. Nous, on va... Tu leur donnes après les rushs, ils vont s'en occuper pour poster, tout ça, tu vois ou pas. Donc, mais nous, en fait, c'est juste notre petit bémol, c'est qu'on n'a pas fait beaucoup de festivals. Par exemple, rien que cette année-là, on aurait pu en faire un. V'là les festivals, tu vois. Le gros festival qui s'est passé à Belfort. Il y avait des trucs, mais on ne les a pas fait. Les Hurricanes. Les Hurricanes, on n'est pas allé aux Hurricanes. Même les Hurricanes et tout. Les détonations, rien que les détonations aussi. Parce qu'on ne connaît pas les Hurricanes, tu vois. On aurait pu le faire. On aurait pu le faire. Mais on ne les a pas fait. Yes. Tu vois ou pas? Mais non, ils vous laissent quand même cette possibilité. Ah non, là. Ils nous laissent. Et après, non, je pense qu'en fait, c'est une asso qui attend de ces comment ça s'appelle, je sais pas. Bénévole. Voilà. Ça attend de ça, en fait. C'est que si on leur propose un projet clean, ils suivent. Après, c'est vrai que nous, on n'a pas trop le temps. C'est que je disais, c'est un manque de temps. Et c'est que même nous-mêmes, on ne sait même pas. Moi, j'ai reçu un message, par exemple, Al Capote débarque à Mulhouse en janvier. Ouais. Je ne sais pas. Ouais. C'est un truc à la con. Ce n'est pas une méga star, mais c'est un truc à la con. Il débarque à Mulhouse, c'est juste à côté. Bien sûr, c'est une méga star. T'as c'est bon. Al Capote, c'est une putain de star, mec. C'est pas. C'est un vieux de la vieille. C'est une putain de star, mon gars. C'est pas Philippe Catherine non plus. Hein. Bah, ouais. Bah, il a fait son feat avec Philippe Catherine. Non, pour dire, non, mais franchement, juste pour ça, en fait, aussi, ouais. À la base, moi, si j'ai pas reçu ce message, j'aurais pas été au courant. Lui, il aurait été peut-être au courant, mais on n'a pas fait la demande, tu vois. Mais c'est des petits trucs. Kerry James va peut-être débarquer, peut-être à Belfort en fin décembre. Ouais. On sera pas au courant. On sera au courant peut-être 2 semaines avant. Okay. Dans le temps, on a fait une accréditation, c'est chaud, quoi. Et mais en tout cas, Radio Campus, ouais, suit. Ouais, ok. Ils vous mettent quand même. Ils suivent. Il faut qu'on leur propose quelque chose de carré. Il faut vraiment qu'on leur montre qu'on est sérieux dans notre délire, tu vois. Ouais. Donc, cool. Vu que quand c'est comme ça, en fait, on se propose pas, on leur dit rien parce que voilà, si on, tu vois, on n'a pas le temps, on le sent pas, tu vois, c'est mieux de rien dire, tu vois. Normal. On t'es là. Tu mais parfois, ta gueule, parfois faut dire que parfois, franchement, ils nous sollicitent. C'est que pour certains festivals ou quoi que ce soit, ils aimeraient bien que BCG soit là. Mmh. Et quand on est là, par exemple, moi, j'ai les échos de certaines personnes qui disent ça, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, voilà, quoi, franchement, ça les fait plaisir parfois qu'on est là avec eux. Ou bien, voilà, qu'on est YouTube pour un truc, mais finalement, on n'a pas le temps. Mais bon, ils sont désolés pour ça, mais ils sont contents de voir qu'on est actifs. Ok. Genre, c'est ça qui est cool, en fait. C'est ça qui est cool avec la soupe. Et niveau, après, là, je parle plus général. C'est une question que j'aime bien poser aux artistes, surtout les locaux. Est-ce que vous avez l'impression que à Besançon, niveau des structures locaux, on va dire au niveau des structures et des organismes ici autour des cultures urbaines, est-ce que vous trouvez qu'on est une ville qui est quand même bien fournie? Et éventuellement, est-ce que si c'est pas assez fourni, est-ce que vous auriez peut-être des idées à proposer? Écoute, je vais te couper tout de suite. On est bien fourni. Ouais. Mais on n'est pas fourni pour certains styles. Pour le rap, on n'est pas fourni. Ouais. On sera bien fourni pour le rock, par exemple. Si tu fais du rock, t'auras tout ce qu'il te faut. Ouais. Si tu fais du rap, mec, c'est plus compliqué. Va falloir chercher. Tu vois ce que je veux dire? C'est simple. Ils ont supprimé tous les événements rap, tout ce qui est hip-hop, ils ont tout supprimé. Mec. Ouais. Non. Il y a que du rock maintenant, tu vois. Ouais. Sur Bezac. Dans tous les événements, festival La Paille, machin, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas sur Bezac, mais tous les festoches à la con. Enfin, non, c'est pas à la con, c'est des grosses festoches. Mais tu vois c'est ce les festoches du coin quand même. Voilà. Ouais. Il y a pas de rap, quoi. Tu vois ou pas? Ouais. Mais est-ce qu'il faudrait pas, par exemple, que genre que dans la démarche des anciens rappeurs qui aiment machin en 2005-2010, est-ce qu'il faudrait pas qu'on formate, pas formaté au niveau parole, mais au niveau style, tu vois? Moi, j'écoutais par exemple le clic de Kerry James, ouais, Medine et Youssoupha. Mm-hmm. Justement, Kerry James disait que voilà, il était boycotté parce qu'en fait, il fallait qu'il fasse des sons de personnes de moins de 30 ans. Ok. Tu vois, pour passer en radio. D'accord. Et le problème, c'est qu'en fait, bon, je dis pas qu'il faudrait faire ça. Mais je dis par exemple, est-ce que nous, même les rappeurs, on ne force pas? Tu peux kiffer un style de musique, mais te forcer à vouloir tellement être authentique pour ne pas passer en radio. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, en fait. Ouais, mais c'est moi je parlais pas de ça. Moi je parle ça pour au niveau de la diffusion. Ok. Moi c'est plus ça. Je rejoins ce que tu disais, tu vois. La semaine dernière, j'avais un invité, c'était Molly, donc c'est Fares, c'est le patron d'une boutique rue Berceau, boutique de sap, tu sais, streetwear, skate, tout ce délire-là. Yeah. Et lui, par exemple, il disait, tu vois, toute la zone du skatepark, par exemple, le skatepark, c'est bien, il y a un skatepark et tout, mais quand t'es skater, tu te rends compte que les mecs qui ont élaboré le skatepark, c'est pas des skateurs parce que t'as un début mais t'as pas de fin. Si tu roules, en fait, tu fais toujours le même tour, machin, nanana. Est-ce que vous trouvez que, je sais pas, je vais prendre le rap, je vais prendre le rap à Besançon. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a aussi peut-être une histoire de les premiers mecs qui ont décidé des trucs ici, peut-être qu'ils avaient peut-être une culture rock plus que rap. Enfin, moi, je sais que, par exemple, pour avoir discuté de ça il y a très longtemps avec Taïgaz et tout ça, il me disait, nous à l'époque, on s'est battu pour avoir des créneaux à la MPT pour pouvoir répéter. Et parce qu'on était des rappeurs, tu vois. parce que les mecs en place, entre guillemets, c'était la culture rock, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais nous, après nous, c'est pas pareil, tu vois. À l'époque, Black Diplomat, nous, c'était, notre truc, c'était de défoncer les portes. Donc, en fait, on s'en battait les couilles.